Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. Neuvième partie. La tradition libertaire. Camus, anticommuniste sans détour plutôt que acommuniste, comme il aimait aussi à se définir, n'a aucune tendresse pour le monde bourgeois. C'est même l'hypocrisie de ce monde qui finit par fournir une forme de « justification » à la fuite métaphysique que constitue l'idéologie révolutionnaire. Sous son aspect critique, le mouvement révolutionnaire de notre temps est d'abord une dénonciation violente de l'hypocrisie formelle qui préside à la société bourgeoise. Si les principes proclamés se révèlent être des mensonges, alors, seule la réalité de la misère et du travail est vraie. L'hypocrisie bourgeoise finit par devenir co-responsable de la tragédie d'un mouvement ouvrier emporté par l'hégémonie totalitaire, car cette hypocrisie a alimenté, à travers le fossé entre les paroles et les faits, les valeurs aujourd'hui solennellement inscrites dans toutes les constitutions modernes et les pratiques de gouvernement. Cette co-responsabilité n'est pas purement virtuelle, puisque pour Camus l'hégémonie d'un socialisme militaire, césarien, en d'autres termes totalitaire, est aussi due à la destruction d'une tradition ouvrière différente, la tradition libertaire. Pendant la Commune de Paris en 1871, remarque Camus, les marxistes avaient un rôle très mineur, et la sanglante répression bourgeoise de ce mouvement authentiquement démocratique marque, au niveau européen, la débâcle du socialisme anti-autoritaire. Camus ne critique donc pas avec tant de verve la tradition bolchevique pour refuser l'engagement, ni pour se réfugier dans un jardin privé où le travail intellectuel soit à l'abri des soubresauts du monde. Au contraire, il faut s'engager, mais pour Camus, cela n'a rien à voir avec le fait de se plier à la raison du parti, qui prétend ne faire qu'un avec le sens de l'histoire, que pratiquent les compagnons de route du communisme. L'engagement qui naît de l'absurde est une fidélité aux valeurs libertaires de l'individu, et non un culte du fait et du succès, ni l'idolâtrie du pouvoir en tant qu'il se définit comme révolutionnaire. Tuer Dieu et bâtir une église, c'est le mouvement constant et contradictoire de la révolte. C'est cette contradiction même, qui est trahison de la révolte, cette tentation qui est trahison de la finitude, que Camus veut reconnaître, combattre et dépasser. La révolution, trop souvent, et surtout celle qui prétend être matérialiste, n'est qu'une croisade métaphysique démesurée, qui se manifeste d'abord à travers ses martyrs et se confond ainsi avec la véritable révolte. Mais bientôt on voit poindre, les prêtres et les bigots, les fonctionnaires de l'universel à qui tout est permis. Une église, une obédience, un régime en somme, représentent l'ersatz extrême de Dieu, même si la liturgie se veut révolutionnaire. La révolte est animée par une logique inverse, et liée à une autre tradition, certes minoritaire. Camus sera toujours, sans réserve, du côté des travailleurs et des déshérités, qui sont de mon sang. Mais, en conséquence, ils souhaitent leur libération, et non la victoire de quelques docteurs, nous soulignons. La position politique de Camus ne laisse pas de place au doute, je suis né dans une famille, la gauche, où je mourrai. Mais il ne peut ne pas voir la déchéance de cette famille. Il ne pourra appartenir qu'à la gauche hérétique car fidèle aux valeurs de la révolte, opposée à la démesure de l'idéologie qui oublie les hommes concrets au profit d'une hypostase. La scission est donc inévitable, tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique. Il y a donc deux gauches, qui sont incompatibles. la commune contre l'État, la société concrète contre la société absolutiste, la liberté réfléchie contre la tyrannie rationnelle. La première correspond à l'esprit syndicaliste et libertaire, qui s'appuie d'abord sur les réalités les plus concrètes, la profession, le village, où transparaissent l'être, le cœur vivant des choses et des hommes. La politique, pour une telle gauche, doit se soumettre à ces vérités, page 701. C'est à cette tradition libertaire, souvent qualifiée de rêveuse et velléitaire, que Camus fait remonter les résultats concrets qui ont transformé la condition ouvrière, qu'il s'agisse des horaires de travail ou des droits sociaux. Elle naît séparée de l'autre gauche, la gauche communiste qui occupe le devant de la scène à l'époque de Camus, que par une nuance, cette nuance qui sépare le sacrifice de la mystique, l'énergie de la violence, la force de la cruauté, par cette plus faible nuance encore qui sépare le faux du vrai. On ne s'étonnera pas, dès lors, que ces deux gauches soient aux antipodes l'une de l'autre et que leurs adjectifs tranchants décident d'un substantif ambigu, la gauche policière et la gauche libre. La morale bourgeoise, formaliste et mystificatrice, ne mérite que le mépris. Mais la folie, de la gauche dominante, a été d'étendre ce mépris à toute revendication morale. Alors que seul le primat de la morale d'une morale de la révolte, une morale de l'absurde, une morale de l'existence finie peut faire naître une politique de gauche à la hauteur de son unique objectif, à la fois modeste et gigantesque, diminuer arithmétiquement la douleur du monde, ce presque rien, aux yeux de ceux qui veulent prendre d'assaut le ciel lui-même et faire advenir l'homme nouveau, est le seul tout qui soit digne de l'homme et qu'il peut atteindre grâce à l'effort le plus poussé. Alors que le tout de l'idéologie n'est rien d'autre que l'alibi à l'ombre duquel on peut cultiver la lâcheté de puissance. La mesure n'est pas le contraire de la révolte, et même, si la révolte pouvait fonder une philosophie, ce serait une philosophie des limites, de l'ignorance calculée et du risque. L'homme est incertain, il appartient au relatif, c'est pour cela qu'il s'engage. Comme rien n'est garanti, comme tout est susceptible d'échouer, chacun d'entre nous est responsable du peu de sens fragile, partiel, à jamais provisoire que l'on peut donner à l'existence. La gauche de Camus sera donc celle des petites revues hérétiques, de la révolution prolétarienne à témoin, de preuve à demain, auxquelles il réserve de plus en plus ses interventions politiques et dans lesquelles le syndicalisme de base, l'anarchisme sans terrorisme et le post-trotskisme donnent vie au kaléidoscope libertaire d'un socialisme antitotalitaire. Fin de la 9e partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.